boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. En 2005, The Coral chantait Arabian Sand, issu de leur troisième album The Invisible Invasion, et après moult aventures, The Coral revient avec un nouvel album, Sea of Mirrors, duquel je vous sors leur oiseau sauvage, White Bird. White Bird, fly to the burning sky, I've chased you. Show the world you are free. just for free. Si la couleur du nouvel album de The Coral est très terroir américain, je n'arrive pas à le détester. Cet album dénote dans les productions actuelles, donc il faut prendre le temps de l'écouter. Il y a quelques mois, je vous proposais en acoustique leur Shadows Fall. Allez, petits souvenirs. Morning calls, darkness draws. Upon this day, a shadow falls. Silence walks through the hall. Since I've been gone, gone, gone. 100 years from today, lamplight ablaze paves my way. Till Jesus saves my early grave, I will be gone, gone, gone. Drop the anchor, lift my heart. From stem to stern, I'm torn apart. Mount my horse, pack my car. Tomorrow I'm gone, gone, gone. Seek the hope, leave the dead. Silver moon, silhouettes. In due time you will forget that I am gone, gone, gone. I will be gone, gone. Since I've been gone, gone, gone. Tomorrow I'm gone, gone, gone. The Coral, trois titres pour commencer notre pop and rock. Et pour ce groupe dont je ne me crois pas fan, je pourrais pourtant vous offrir une soirée entière consacrée à ces Anglais, The Coral, trouvant leur source d'inspiration dans l'Ouest américain. Ouais, The Coral, ce sont des British, mais ils semblent plus près du Colorado que de la Britpop. Ce soir, j'aurais pu vous envoyer deux, Rebecca You ou encore The Sinner, mais bon, Pop and Rock est là aussi pour vous faire découvrir d'autres groupes. D'ailleurs, Nida essaie de reconnaître le suivant. I'm Bon Dida, ça y est, t'as reconnu ? Allez, ok, j'avais promis de vous faire découvrir de la nouveauté et pour le coup, je n'ai dit qu'une moitié de vérité puisque le Losing My Sense of Chase est bien une nouveauté de 2023, mais le groupe qui chante, comment vous dire ? La voix ne vous dit rien ? Chrissy Hynde, elle renaît avec ses Pretenders. Divorcee, but I feel like a widow. now there's no one in the middle. I'm a merry, merry widow. Relentless, pas fou, le dernier album des Pretenders est bien implacable. Comme toujours, les Pretenders vont du doux au brut. À 72 ans, l'ex du Jim Kerr reste au top. Ouais, comme pour The Choral, je pourrais vous faire avec Pretenders toute une soirée, une heure entière de pop and rock. Mais bon, il faut bien avancer, alors let's go. Là, je sens que la voix off va m'engueuler, mais tant pis. J'ai relancé un quatrième Pretender sans vous prévenir, mais c'était à cause du petit gimmick de guitare. Je n'ai pas pu résister. Allez, ce coup-ci, on avance. We'll be right back. Et dans Pop and Rock sur la trail locale RVR, quand un Dandy Warhols explose à vos oreilles, nous sommes obligés de vous envoyer dans la foulée le Brian Johnston Massacre. We'll be right back. On critique souvent la toile et ses travers, mais comme tout est bon dans le cochon, enfin si on trie pour la toile, c'est pareil. Oh, la comparaison de nage, le gars. Ouais, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas toujours à son max. Oh, c'est clair, mais bon, où voulais-tu aller? Eh bien écoute, je voulais juste te dire que sur le net, on a accès à des groupes que jamais on ne trouverait ailleurs, comme l'étrange Bombay Bicycle Club avec son Just a Little More Time qui arrive tout de suite. Écoutez de temps en temps. Ne rêve pas, personne ne nous écoute. Oh écoute, ça va, hein. Enfin bon, bref, si de temps en temps vous ne nous écoutez pas, vous connaissez la maxime, si on trouve au moins 3 titres bons dans un album, foncez l'écouter en entier. Voici donc Sleepless, second titre du soir, issu de My Big Day du Bombay Bicycle Club. Somewhere in my memory, hope that you would do the same. Pop & Rock, on écoute pas mal de musique et quand notre oreille s'arrête pour se demander ce qu'elle écoute, il y a plusieurs possibilités. 1. C'est de la bouse. 2. On connaît mais on ne reconnaît pas. 3. C'est donc tout nouveau. Exact, la voix off. Et là, le Bombay Bicycle Club, ça sonne bien et légèrement différent. Alors on fonce sur un troisième titre ce soir du Bombay Bicycle Club, issu de leur album sorti cette année. Foncez l'acheter. You don't need to look so appalled. I take care of it all. It's my destiny now. Don't pick up, I just call to say I'm happy as can be. I'm melting away. Don't get mad at me. I'm just sleeping lightly. It's my big day and I'm wasting it away gladly. Aerosols drifting through the halls and high decibels. Have I really lowered the bar or am I working hard? Inspiration now. My Big Day, c'était le titre du morceau qu'on vient d'écouter, mais également de l'album du soir du Bombay Bicycle Club. J'adore ce titre, qui est en plus celui qui représente le plus, en tout cas le mieux, en tout cas qui représente bien le BBC. Ouais, le Bombay Bicycle Club mérite toute votre attention. No place to hide away. Better be noble and get things straight. Set the rules, rate your risk. Think before you place your bet. Be my ally, my enemy. We'll play it hard, no in between. Cut the line, let me drown. Hail the queen, I'll wear your crown. Or heads, or tails, or heads. I win your heart for one. Ce soir, Pop and Rock sur la trail locale RVR a fait dans la nouveauté avec les derniers albums de The Chorale, The Pretenders ou encore du Bombay Bicycle Club. On va finir avec l'énergie de nos habitués et après les Belges de Black Box Revolution, ouvrons la porte à Children of the Sun. Thank you. Et ce soir, pour représenter la nation aux gallinacées, ce sera Clinique Rodéo, un conseil, protégez vos oreilles. Kiss for love, for low body dead on me, full of noise and ghost. She woke to the dust and snake, cries over her fate. On the top of the hills, on the top of the lake. She's a gal, big gown and run, run. She's a gal, big gown. Everyone, even the dead. Dark circles on her face. She's not going at all. She takes her secret shoes and sprays her blue warm paint. On the top of the hills, on the top of the hate. She's a gal, we gal, run, run. She's a gal, we gal. Allez, pour se quitter, voici notre père à tous. Hein? God? Mais t'es fou! Mais non, Bob Mould! Bob Mould referme notre 246e Pop and Rock et sur ce, bon vent à tous!